que je suis en Hollande italienne. J'obéis à la loi martienne. Elle veut tuer en santé, elle veut un king en ADN. Le terrain vient d'ouvrir, j'ai connu le son du KTM. J'suis pas au volant du bus, j'suis à gauche dans l'italienne. Que j'perde ou gagne, c'est nique ta mère, quoi qu'il advienne. Peu importe pour qui j'vote, le croque-mitaine ou Joe Biden. J'ai un peu trop de haine, des fois ça mène dans les problèmes. Que des numéros 10, sa fils de pute et capitaine. J'aime pas les hommes, que pour les gosses j'ai de la peine. L'histoire d'une œuf de île, comme un cité de la plaine. C'est le nouveau monde, j'roule un tech, pas oublié. Tita Wallen, personne ne replantera l'olivier. Game ridicule, comme le DJ d'invalidé. On va reprendre les clés, ce qu'on va leur faire, t'as pas idée. Je regrette l'époque des cabines, j'attendais que tu en me rappelles. Le monde dans l'ombre, je l'inquiète, c'est une Citroën qui la ramène. Tu fais pas trop mal au crâne, ils nous l'ont mise à la one again. Pour éteindre tes S-gaz, on juste besoin d'une guinéenne. Jamais mort de la main qui m'a nourri, normal, c'était la mienne. J'suis pas un gars courir, j'suis un homme, c'est pas la même. Toujours dans le turf, j'obéis à loi martienne. Elle veut que tu fasses un petit, elle veut un king, mon ADN. Oublié, Utah Wallen, personne ne replantera l'olivier.